can't believe where we are. Est-ce que tu veux que je change la basse? Est-ce que tu veux que je change la ligne de basse? Est-ce que tu veux que je change la ligne de basse? Est-ce que tu veux que je change la basse?